het regen of het regen niet? Oh, in de namiddag zal het een beetje regen met de onweer. Salutjes, hallo. Allez. Eh oui, bon, bah, la question plus ou pas plus. Oui, cet après-midi, avec des averses orageuses qui vont se former. Alors, l'actualité du moment, c'est encore actuellement une petite averse du côté de Tournai qui s'en va. Et puis, des brumes, des bancs de brouillard sur les vallées, le long du Sion sans Brémeuse essentiellement. Et dans ce cas, eh bien, ça va se dissiper. Puis l'après-midi, avec la chaleur, on a des orages qui nous reviennent d'Allemagne comme les jours précédents. On attend 22 à 23 degrés en Ardennes, 26 dans le centre et 28 en Campine. Gare aux orages qui peuvent être localement violents et avec beaucoup de pluie ce soir et la nuit prochaine. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, 3 morts, 9 blessés dans une collision ferroviaire hier soir en province de Liège. Un train de passagers a percuté un train de marchandises qui était à l'arrêt. Le choc a été très violent. On a ressenti un grand choc, on a tous été projetés vers l'avant du train. Les bagages volaient partout, les gens aussi, ceux qui n'étaient pas assis. Quand on est sorti, on a vu la gravité de la situation. Les deux premières voitures du train sont déraillées et sont très endommagées. Nous allons sur place dans une minute. Un accident dont les circonstances restent floues. Nous serons en direct dans ce journal avec un porte-parole des chemins de fer pour avoir les dernières informations. Dans le reste de l'actualité, trop peu de maltraitances d'enfants sont signalées en Belgique. C'est le cri d'alarme lancé par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Les médecins hésiteraient à dénoncer les faits quand ils n'ont pas en possession des preuves formelles. En sport, une victoire, mais difficile pour les Diables Rouges hier soir face à la Norvège. Pas très rassurant à une semaine tout juste du premier match de l'Euro. Et un dramatique accident de train, donc, hier soir entre Liège et Huy, en province de Liège. Un train de passagers a violemment percuté un train de marchandises à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Il y a 3 morts, dont le conducteur de train, et 9 blessés. Laurent Van de Berg, vous êtes sur place. Comment s'est passé exactement cet accident ? Tout a eu lieu à 23h03. Un train de passagers arrive à 90 km/h à Saint-Georges-sur-Meuse. Ici, à quelques centaines de mètres, se trouvait un train à l'arrêt, un train de marchandises. La collision était inévitable. Elle était très violente. 2 wagons ont été partiellement détruits, voire complètement détruits pour le premier wagon qui sont sur le flanc. Pour l'instant, le parquet est sur place en train d'analyser, en train de essayer de comprendre les circonstances de cet accident. 3 morts et 9 blessés, donc comment les victimes ont-elles été prises en charge ? Alors, tout est allé très vite puisque des postes médicaux avancés ont été installés ici en bord de route pour accueillir les premiers blessés. Les blessés plus grièvement atteints ont été emmenés vers la citadelle ou vers l'hôpital de Huy. Pour ce qui est des blessés plus légèrement atteints, des personnes qui étaient aussi psychologiquement choquées, elles ont été accueillies ici tout près dans une abbaye par des sœurs pour des premiers tasse de café pour essayer de les réconforter avant d'être accueillis par l'aide psychosociale. Merci Laurent Van de Berg en direct de Saint-Georges-sur-Meuse en province de Liège. Une quarantaine de personnes se trouvaient à bord du train. Parmi elles, ce jeune étudiant qui rentrait vers son cote à Liège. Écoutez son témoignage. On a ressenti un grand choc. On a tous été projetés vers l'avant du train. Les bagages volaient partout, les gens aussi, ceux qui n'étaient pas assis. Directement après, le contrôleur est venu prendre des nouvelles de tout le monde dans tous les wagons. Il a appelé les secours. Quand on est sorti, on a vu la gravité de la situation. Le contrôleur essayait de rassurer les gens qui étaient bloqués à l'intérieur des premiers wagons. Il essayait de les faire sortir. Après, les secours sont arrivés, la police nous ont guidés vers une zone un peu plus éloignée, puis vers le centre de crise où on a vu les médecins et voilà. Et vous étiez dans quel wagon ? Dans des derniers wagons, le quatrième, oui. C'était une chance, ça ? Oui, quand même, oui. Parce que dans les deux premiers, ils étaient complètement déchirés. Et le troisième était en train de tomber. Et là, vous parlez assez calmement, mais vous êtes dans quel état d'esprit ? Fatigué, un peu sous le choc, mais ça va. Un étudiant rencontré par Anne Poncelet cette nuit, peu après l'accident. Le bourgmestre de Saint-Georges s'est immédiatement rendu sur les lieux de la catastrophe. Hier soir, il a été très choqué par ce qu'il a vu. Cet accident est un des événements les plus marquants que j'ai eu l'occasion de vivre depuis que je suis bourgmestre. C'est effrayant quand on découvre les reliefs de cet accident et que l'on voit les wagons de passagers complètement meurtris et terriblement éprouvés par la collision. Heureusement, les services de secours ont été rapidement sur place et ont fait un travail tout à fait remarquable qui a permis de pouvoir secourir très rapidement un grand nombre de blessés. Francis Dejon, le bourgmestre de Saint-Georges, au micro de Sébastien Joris. Le ministre fédéral de la Mobilité s'est également rendu à Saint-Georges-sur-Meuse hier soir. Au-delà des enseignements qu'il faudra tirer de la catastrophe, il veut d'abord penser aux victimes. On écoute François Belot. Dès que j'ai été informé de l'accident et de sa gravité, je me suis rendu sur place, bien entendu. Je pense que le premier message que je voudrais adresser, c'est aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes, de leur dire... tout notre soutien. J'imagine qu'il y avait dans ce train peut-être des étudiants, des personnes qui rentraient de week-end, et donc de dire combien nous partageons leur peine dans ces moments difficiles. Je pense que la sécurité est un élément essentiel pour le groupe SNCB. Malheureusement, il s'agit d'activités humaines et technologiques, et on espère toujours faire reculer le plus loin possible les limites de l'insécurité ou de la sécurité, mais nous laisserons soin aux enquêteurs de déterminer exactement les circonstances. Je pense que la première des choses, c'est d'abord de venir en soutien aux personnes qui ont été victimes et de remercier, bien entendu, les services de secours qui ont été rapidement sur place. Le ministre fédéral de la Mobilité, François Belot, au micro de Sébastien Joris. Nous retournons maintenant en direct à Saint-Georges-sur-Meuse où se trouve Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel, la société qui gère les infrastructures de la SNCB. Bonjour Frédéric Sacré, que sait-on à l'heure actuelle des circonstances de l'accident ? Donc un train de voyageurs qui circulait en direction de Liège a rattrapé le train qui le précédait, l'a rattrapé et l'a tamponné, l'a percuté. Le choc a été très violent puisque les deux premières voitures de ce train de voyageurs se sont presque littéralement encastrées dans le train de marchandises qui, fort heureusement, lui, ne transportait aucune matière dangereuse. Le train de marchandises était à l'arrêt. Sait-on pourquoi il était à l'arrêt ? La signalisation ferroviaire est là pour réguler le trafic ferroviaire et elle doit faire en sorte qu'un train ne puisse jamais en rattraper un autre. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit dans des circonstances qui devront évidemment être éclaircies. En effet, ce train de marchandises était à l'arrêt ou en passe de redémarrer et il a été rattrapé par le train de voyageurs. L'enquête a démarré, elle a démarré cette nuit dès l'instant où la prise en charge des victimes, et nous avons évidemment épaulé comme nous le pouvions les services de secours dès l'instant où la prise en charge des victimes a été terminé. Donc, si je vous comprends bien, la question, c'est surtout de savoir pourquoi le train de passagers a poursuivi sa route plutôt que de s'arrêter. L'enquête devra en effet déterminer comment ces deux trains ont pu se rattraper. Toutes les pistes seront envisagées. On a notamment à l'œil un élément factuel, le fait que quelques heures avant l'accident, nos installations électriques ont été touchées par la foudre. Il faut évidemment être très prudent, on ne peut pas encore faire un lien même catégorique entre ces deux éléments. Mais une chose est sûre, ça fait partie des éléments que les enquêteurs vont investiguer plus avant afin de déterminer les causes dans lesquelles ce dramatique et exceptionnel accident s'est produit. Frédéric Sacré, on est dans un climat d'alerte terroriste. Est-ce que la piste terroriste est complètement écartée ce matin ? Quand on est dans le cadre d'une enquête, on n'écarte absolument aucune piste. Mais il va de soi que ce n'est pas la piste qui est la plus privilégiée à l'heure actuelle. Maintenant, on se doit d'être prudent. Comme je vous le disais, cette enquête va être menée à différents niveaux. Examiner l'infrastructure, examiner le matériel roulant. Mais il va de soi que cette piste terroriste n'est pas celle qui semble à l'heure actuelle envisagée, sous toute réserve bien entendu. Est-ce que cette catastrophe provoque beaucoup de répercussions sur le trafic ferroviaire ce matin ? Alors le trafic ferroviaire est totalement à l'arrêt entre Huy et Flémal. Les trains sont remplacés par des navettes de bus. Et avant Huy en direction de Namur et au-delà de Flémal vers Liège, les trains circulent normalement. C'est accessoire évidemment à l'heure où on se parle puisque c'est le sort des victimes qui nous importe. Mais dès l'instant où nous aurons obtenu toutes les autorisations de la part du parquet, nous entreprendrons les travaux de remise en état de l'infrastructure. Mais à l'heure actuelle, bien entendu, toutes les préoccupations vont vers les victimes et leurs proches. Merci Frédéric Sacré d'avoir été avec nous. avec nous ce matin dans le 8-9 sur Vivacité et sur la Une. Et puis Christophe, dans le reste de l'actualité, encore des perturbations dans le trafic des bus ce matin. Oui, c'est la paralysie quasi complète ce matin à Charleroi. À Mons, seul un bus sur cinq circule. À Tournai, la CGSP a décidé ce matin l'arrêt de la grève. Les bus rouleront donc normalement demain. En attendant ce matin, un bon tiers des bus tech sont sortis à Tournai et cet après-midi, ça circulera probablement davantage. Les chauffeurs de bus protestent contre les réformes du gouvernement fédéral. La loi temps de travail du gouvernement fédéral suscite toujours beaucoup d'inquiétudes. Après les syndicats la semaine dernière, le ministre de l'Emploi, Chris Peters, reçoit aujourd'hui les patrons pour expliquer son projet. Le gouvernement fédéral veut poursuivre ses réformes coûte que coûte. Les syndicats campent aussi sur leur position. La FGTB envisage une grève générale le 24 juin. Autre grogne sociale aujourd'hui, celle des camionneurs. Ils mènent en ce moment des actions contre la taxe kilométrique. À Guilanguin, dans le Hainaut, des camions empêchent l'accès au zoning. Et à Bierzé, en province de Liège, des camions qui bloquent, ce sont des manifestants qui brûlent des palettes. Des blocages qui n'ont pas beaucoup d'incidence, cela dit, sur le trafic automobile. Les cas de maltraitance d'enfants ne sont pas suffisamment signalés en Belgique. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le KCE, c'est le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. On va expliquer cette problématique dans un instant. Mais d'abord, le témoignage édifiant d'une jeune maman qui a préféré garder l'anonymat pour protéger sa fille. Sa petite fille de 5 ans a été abusée par son père pendant 2 ans. Le ciel s'est écroulé sur la tête de cette maman il y a plusieurs mois quand elle a compris ce qu'il se passait. Elle s'est plainte en fait de douleur au niveau des fesses. Et donc suite à ça, je suis partie aux urgences. Et là, ce que j'ai vécu en tout cas, c'est vraiment un médecin qui me certifie droit dans les yeux que ça ne fait aucun doute qu'elle avait été abusée. Et à côté de ça, je n'ai rien pour protéger ma fille. Rien parce que le médecin en question a refusé d'écrire son constat noir sur blanc. Le tribunal n'a donc pas vu de raison de s'inquiéter. Et des médecins qui ne relaient pas les cas de maltraitance, il y en a beaucoup. Sur les 13 000 cas d'enfants maltraités signalés en Belgique en 2014, seuls 2 à 3% provenaient par exemple des médecins généralistes. On ne détecte pas assez les cas de violence, d'abus sexuels, de maltraitance sur enfants. C'est ce que dénonce dans son rapport le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, Odile Lehert. Et parmi les problèmes pointés, celui des professionnels des soins de santé qui signalent trop rarement les cas de maltraitance infantile présumée. Le KCE estime que les médecins généralistes, les pédopsychiatres, les urgentistes pourraient jouer un rôle plus important dans la détection précoce et le diagnostic de maltraitance. Il faut dire qu'il n'existe en Belgique aucune obligation de signaler les faits. Il faut donc évaluer par soi-même si on est face à une suspicion de maltraitance ou pas. Pour le KCE, l'utilisation obligatoire de protocoles d'action propre à chacun de ces intervenants pourrait les aider à agir de manière plus efficace. Ils pourraient aussi être appuyés par des médecins légistes, dit le KCE, qui permettrait de faire la distinction entre une lésion normale chez l'enfant et un symptôme de maltraitance. Du côté des acteurs de terrain confrontés à la maltraitance, on précise toutefois qu'il est très difficile d'obtenir des preuves de cette maltraitance, d'autant que l'enfant, trop petit, ne sait pas toujours mettre des mots sur ce qu'il vit. Encore de fortes averses de pluie et des orages hier soir avec des inondations. À Momigny, dans le Hainaut, plusieurs habitations ont été inondées. Un septuagénaire a manqué de se noyer. Il a glissé alors qu'il tentait d'évacuer sa cave. Heureusement, les secours ont réussi à le réanimer. Dans la province de Luxembourg, de nombreuses habitations ont été touchées dans les villages de Mormont, Haine, Manet et Érosé. Les pompiers et la protection civile ont dû intervenir pour pomper des caves et sécuriser des habitations avec des sacs de sable. À Sétheru, près de Falise, les pompiers ont aussi dû bâcher un toit qui avait été endommagé par la grêle. Des inondations et des coulées de boue aussi en province de Liège, hier en fin de journée, notamment à Comblain, au Pont et à Amoire. Des maisons ont été inondées et des routes ont dû être fermées à la circulation. 8h13, 8-9 Sport et ces Diables Rouges qui inquiètent, mais qui gagnent. Eh oui, dans une semaine tout juste, les Diables joueront leur premier match à l'Euro en France contre l'Italie. Et hier, on a vu du bon et du moins bon contre la Norvège. Une victoire 3-2, des buts de Lukaku, Hazard et Simon. Mais aussi pas mal d'approximations défensives, des petites erreurs que les Norvégiens ont parfaitement exploitées. Au moins, les adversaires des Diables ont joué le jeu. Manuel Jousse a demandé à Romelu Lukaku de faire le bilan de cette préparation mouvementée. Et parmi les problèmes pointés, celui des professionnels des soins de santé qui signalent trop rarement les cas de maltraitance infantile. Est-ce qu'on peut écouter Lukaku plutôt qu'Odile Lehert? On a eu deux semaines d'entraînement assez physique et c'est normal que parfois il y a encore des déchets, mais je pense qu'aujourd'hui l'animation était là. Il y avait beaucoup de rythme. Je pense que c'était déjà mieux que contre la Finlande, donc j'espère que le groupe va continuer comme ça aussi. Le petit souci, ça se passe loin de vous, derrière, c'est qu'on arrive difficilement maintenant à finir des matchs sans encaisser. Ouais, en ce moment on se cherche un peu, mais c'est normal. Voilà, quand il y a des cadres qui se blessent et voilà, on joue avec des jeunes back aujourd'hui avec une défense en club à Tottenham qui est assez performant, mais ici aussi je crois que c'est la deuxième fois qu'ils jouent ensemble, donc c'est normal que les joueurs doivent s'adapter, mais voilà, j'ai confiance en nos défenseurs. Je crois que c'est des défenseurs de grande classe et il n'y aurait pas de problème dans le futur. Voilà, Romelu Lukaku, micro de Manuel Jousse. Mark Wilmots va donc devoir trancher sur la défense alignée contre l'Italie. Les joueurs, eux, bénéficient d'un jour de repos pour le moment. Ils se ressourcent en famille pour la plupart avant le départ pour la France demain. Bordeaux, tout d'abord, le camp de base pendant l'Euro, puis Lyon pour le match de lundi prochain. Un mot de tennis, il l'a enfin fait. Novak Djokovic a remporté Roland-Garros, ce seul tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. On en parle un peu plus tard. Ouais, on le regarde pas avec David Oudrey. D'ailleurs, qui a le plus de chances de remporter l'Euro, à votre avis, Djokovic ou les Diables Rouges? Djokovic. Djokovic. Ah, ça, c'est mauvais. Non. C'est très mauvais. On ne peut pas dire ça, je ne suis pas d'accord. Envoyez une lettre à la direction. Cher directeur, je n'ai pas aimé les mots de David Oudrey. Gna, Sarah. 8h16, voici un nouveau 8-9. RTP. Hé, il y a 100 000 euros à gagner au concours foot de Krefeld. On y va, les gars? Ouais, tous ensemble. Krefeld. Les meilleurs prix, service compris. Yadren Kalosine avec nous depuis la police de Liège et tout va toujours bien sur Liège pour le moment. C'est un grand bonheur ce lundi matin. Les grands axes liégeois, on va dire que le trafic se densifie, c'est vrai, mais ça roule. Et donc, c'est le cas du quai du Barbou vers le quai de la Dérivation. Plus de voitures, mais ça roule. Situation identique du côté des ronds-points de Buranville. Et on va dire aussi que la descente de la 602 vers la Trémie-Sainte-Marie est assez fluide. Et donc, tout va bien en ce qui concerne les grands axes liégeois. On aimerait dire la même chose du reste de la circulation. C'est pas le cas. Hein. Attention à cet accident sur le 25, Liège-Neuchâteau, à hauteur de Manet. Le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche. On a rétabli une voie là-bas, mais la circulation est toujours à l'arrêt sur 5 km en direction de Neuchâteau. Et puis, toujours ces manifestants au niveau de TNT à l'aéroport de Bierzé. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Et t'as une nouvelle montre? Ah, t'as remarqué, je viens de l'acheter, à très bon prix. Ah ouais, classe. C'est comme moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Ouais, regarde. Un porte-clé? Non mais regarde la clé. Quoi? Une Mercedes? Ouais. C'est celle-là? Oui. Tu veux faire un tour? Attends, je regarde ma montre. Oui, ça va, j'ai le temps. Jusque fin juin, chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous condition. Avec donc la joyeuse bande des sosies, on fait ce qu'on peut dans le rôle d'Eden Hazard, maillot Diable Rouge, Sarah. Hello tout le monde, les cheveux non, hein, pas vraiment, si. Non, il a les cheveux un peu plus courts lui. Ça fait plus Lukaku. Alors, il est un peu plus petit aussi. Ouais, dans le rôle d'Eden Hazard, David Oudrey. Ça, je prends. Ça marche. Oui, ça marche. Voilà, et alors dans le rôle Mark Wilmots avec une chemise un peu en soie. Nainggolan, moi. Ah oui, c'est la crête en moins. Le casoar. Notre invité tout à l'heure s'appelle Alex Germiz. Vous connaissez peut-être ce Belge qui est non pas chanteur, mais DJ, producteur, passionné et talent de la musique électronique. C'est lui qui avait fait All Along. Il est truc particulier, ce jeune belge, c'est que non seulement il dit pas « moi je veux faire un album comme tous les autres », il dit « non, moi je veux bien faire des singles qui marchent, album ça m'est égal », et puis le dire « je veux être chanteur », il dit « non, je veux être producteur ». Donc on fera connaissance avec ce jeune homme tout à l'heure, Alex Germis, qui vient présenter son deuxième single qui s'appelle « Sweet Afterglow », c'est sur Viva dans quelques minutes. Il est 8h20, Jérôme, et le cactus de ce matin. Hier, la Belgique a donc battu la Norvège en match amical, un peu poussif quand même. Oui, oui, et bonjour Kiki, vous étiez au stade hier soir d'ailleurs, hein, Kiki. C'est-à-dire que moi, j'y étais à 18h au coup d'envoi, la défense, elle est arrivée vers 19h15. C'est ça. Romelu, lui, pour une fois, il était à l'heure, mais après 3 minutes, il a estimé qu'il avait fait son boulot, donc à partir de là, il a décalqué son jeu sur Benteke, et ça, c'est dangereux. Ah, oui. Benteke, c'est un athlète de biathlon, tu vois le biathlon? Ce qu'ils te font est tir couché. Eh ben, oui. Tu vois, eh bien Benteke, c'est ça, mais en aveugle. Ah bon. Il fait l'effort et dès qu'il doit tirer, voit le noir. Et c'est plus bien que faire du biathlon pour un aveugle, c'est dangereux, hein, surtout pour les autres. Évidemment. Bon, alors le bilan de la semaine, alors. Hein. Alors, un nul contre les Finlandais et une victoire poussive contre les Norvégiens. Heureusement qu'on joue pas les Suédois à l'Euro, hein, parce que oui, je peux dire que si je savais que Jordan Lukaku devait tenir Abramovic, autant éviter les frais de déplacement. Hein. Note qu'avec un nul et une victoire à l'Euro, serait déjà meilleur 5e d'une poule de 4. Mais attends, quand on contre les Allemands, les Ritaillais ou les Brésiliens. Oui, non, non, mais les Brésiliens. Les Brésiliens ne vont pas à l'Euro, Kiki. Comment donc ça? Ça, c'est terrible. Le racisme est vraiment partout. Hein. Bon, bon, on a gagné hier soir, mais on a encore pris 2 buts. Hein. Dès la dernière fois que j'ai été dans ce stade Roi Baudouin et que je suis sûr qu'on n'a pas pris de but, c'était au concert de Mylène Farmer. Sinon, je crois qu'on a aussi tenu le 0-0 quand on avait annulé contre les Portugais, c'est aussi. Vrai, hein. C'est vrai. La défense est entrée, c'est ouvert. Faites comme chez vous, servez-vous. Faut mettre les ingénieurs des tunnels bruxellois dessus. Hein. Faut fermer pour 30 ans avec une défense pareille. Même Napoléon est battu lors de la bataille des Dardennes. Oh là là. Pour serrer les boulets, sinon, on peut directement appeler Yvan Mayer pour lui dire qu'il n'y aura pas de problème pour l'envahissement du piétonnier. Donc oui, il doit avoir l'habitude. Oui, ça c'est bon. Alors, hier soir, on aurait pu revendiquer un pénalty pour une faute sur Dries Mertens. Oui, bon, Mertens, c'est du léger, léger. Hein. Il est comme le commissaire Van der Smissen, il tombe quand même vite. Oh, hein. La première petite charge, il se trouve au sol. Dès le foot, c'est quand même un sport de full contact. Mais enfin, vous pouvez pas comparer la charge du commissaire Van der Smissen. Et ça va, hein, un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. Ah, bon. Parce que vous parlez d'expérience, je présume. Eh, j'ai jamais couché avec un footballeur, hein, pour mais vous. Non, mais bon, alors, heureusement, Hazard s'est démené, il a mis le deuxième. Hein. Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il est temps de rendre hommage à nos commentateurs favoris, Philippe Albert et Rodrigo Betches. C'est ça. Or, Philippe Albert, toujours aussi réveillé, lui, hein. Note que s'appeler Philippe et Albert, tu sais que tu ne seras pas flashé au radar de la répartie. Et enfin, Rodrigo Betches, maître bien statistique. Oui, Rodrigo. Oui, notons aussi, car c'est important, que l'arrière latéral gauche norvégien a couru 12,46 m de plus que son nom, qui était lié droit lors du match contre la Bulgarie en 93, alors qu'il n'a pas arrêté de casser le jeu, mais vous connaissez le fameux proverbe norvégien, Philippe, on ne fait pas d'omelette sans casser le jeu, d'omelette norvégienne, bien sûr, mon cher Philippe. Ça fait 15 ans que je la prépare. Oh, que je suis faux. Bon, bon, mais merci. Bon, vous savez, ils ne nous inviteront plus en plateau, vous savez, bon, et alors Eh bien, tu es entendu, Albert Minkens. Il critiquait le positionnement d'Hazard juste avant son but. Bien vu, ça, hein. Ils avaient mangé du Powell, ou quoi? Tu t'as arrêté. Bon, Rodrigo Minkens, c'est notre grand spécialiste, hein, je vous le signale. Ah ouais? Tu l'as entendu à la mi-temps? Ah, nos diables, requin qui est transfiguré, métamorphosé, c'est surtout le grand spécialiste du dico des homonymes sur les genoux, hein, lui. Et fait pareil sur ses 6 heures de direct au Tour de France. Hein, il commente la course 3 minutes, et le reste, il lit le guide Michelin. Donc, écoutez. Au moins, Philippe Albert, il parle de foot, hein, de Nainggolan. Il a dit qu'on pouvait plus le tenir tellement il voulait manger le gazon, Nainggolan. Dis-lui, quand tu vois sa tête à la Gengis Khan, tu te dis qu'il est des végétaliens, il n'est pas végétalien, hein, lui. Et t'as vu ses tatouages à côté de Matkopora? Matpokora, c'est une toile de cinéma. C'est sinon beau coaching. Hein, c'est... Beau coaching. Faire monter Simon à 20 minutes de l'affaire, alors qu'il doit être titulaire depuis 15 ans. Mais non. Ça ne va pas, hein. C'est comme au JT du soir, ils mettent Julie Morel une semaine sur 6 et ils laissent de brigade tout le temps. Pareil, hein, tu gagnes pas le match. Non, hein. Simon, c'est le rêve américain. Simon, c'est le taulard. Non, le taulier. Oui, le geôlier. Le geôlard. Enfin, ouais, ça va, Claude. Ouais, ouais, et à côté de ça, tu joues dans l'axe de la défense de Tottenham, Vertonghen, Harderwijk, Tottenham. Ça doit être dur de supporter une équipe qui ne gagne jamais un championnat. Hein. Et je sais de quoi je parle. Hein. Bon, bon, alors, on va conclure. Pour votre tube là, et votre chanson, on va gagner. Oui, alors j'ai décidé de changer. Je vais chanter, on va peut-être gagner. Mais peut-être, c'est pas ne pas gagner. C'est sûr, ça c'est vrai. Donc Martin Charlier, on le réinvitera pour On va peut-être gagner, qui sera donc la version, la phase B. Oui, j'attends impatiemment les 3 premiers matchs. Parce qu'on en reparlera dans le Regard Sport tout à l'heure, mais David Oudrey en une phrase, vous retenez quoi d'hier? Laurent Simon. Ben voilà. Prénom et nom de famille. Ça ira très très vite, le regard sport tout à l'heure. Et l'assist de Kevin De Bruyne aussi. Hein, ah voilà, donc. Pour le but d'Eden Hazard. Kevin De Bruyne, vous. Donc on a deux phrases pour le regard sport de tout à l'heure. En attendant, le cactus est à revoir sur la page Facebook du 8-9, 24h sur 24. Vous voulez jouer tout à l'heure pour débriefer la prestation des Diables Rouges, mais surtout pour identifier une phrase, gagner un cadeau et imposer un mot pour le live de vendredi. C'est le Kikadi. Inscrivez-vous au 3063 SMS. Vous indiquez je veux jouer. Non, prénom, coordonnées complètes. Est-ce qu'on gagne ? Ah, on gagne. Vous voulez que je vous dise ? Ouais. Un truc orange. Ça vaut la peine. C'est au moins du niveau de la prestation des Diables Rouges d'hier, comme cadeau. Ah. C'est vous dire. Un t-shirt. C'est vous dire. 8h25, je Zaptélé. Moi, je ne te pose pas des questions indiscrètes, ne m'en pose pas. 8h25, le Zaptélé avec télépro.be. Et des nouvelles de l'ancienne animatrice télé. Vous vous souvenez de Barbara Louise ? Barbara Louise, vous en souvenez vous évidemment. Vous vous souvenez de Barbara Louise ? Quel âge ? Quel âge pour l'animatrice ? Vous avez une idée ? Ah, question piège. 42 ans, tout à fait. Elle a dit oui à Michel qui en a 42. Comment le savez-vous ? Au hasard. Comment le savez-vous ? Eden Hazard. Où étiez-vous hier soir ? Comment ? Comment ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'elle se marie, mais elle a encore le droit de voir d'autres gens. C'est horrible de faire ça pendant la nuit de noces, non ? Mais enfin. Donc Barbara Louise. Elle a dit oui à Michel qui a 48 ans. Qui est le comte ? Comment ça ? Michel, à elle, à Barbara, qui était là lors de la cérémonie. Elle est d'ailleurs la marraine, ou... Non, c'est pas la marraine, je suis dans les naissances. La témoin. Quand on se marie, on est dans les témoins. Alors, qui était dans les témoins ? Ben Jérôme. Ben non. Mais non. Sa sœur. Sa sœur, voilà. Il y avait combien de chiens ? Maureen Louise. Il y avait au moins sa Juliette, à mon avis. Ça s'est passé ce week-end. Juliette, c'est sa chienne. Hein. En région bruxelloise, oui, tout à fait. Et le couple heureux habite dans le Brabant wallon. Deuxième noce pour chacun. Chacun était déjà marié, avait déjà eu des enfants. Ils ont eu l'occasion de tester cette famille recomposée pendant 3 ans. Donc c'est une troisième couche ou c'est une seconde couche ? Deuxième noce. Donc c'est une seconde couche. Deuxième noce, quatrième couche. Chacun, c'est leur deuxième mariage. Vous les prenez pour des peintres en bâtiment ou quoi ? Écoutez, donc ça fait 4 couches pour les deux. Voilà. Voilà. Ah non, 2. Non, 4 pour les deux. Oui, s'ils ont deux couches chacun. D'accord. Jérôme. Mais 4 couches, ça fait beaucoup pour les murs. Mais enfin, ça a un goût. Et vous étiez de quelle couche ? Pardon, mais je n'ai aucune couche, écoutez. Et alors ? Mais non, mais donc vous n'étiez pas le premier. Mais non, mais vous m'alpaguez dans des histoires avec Barbara Louise, alors que je n'en suis pas. Voilà, et donc on sait où ils sont partis en voyage de noces ou pas ? On ne sait pas s'ils sont partis ou pas, c'est le flou. On sait si elle revient à la télé ou pas ? Ça non. Ah, on sait si elle va faire une émission avec sa sœur ou pas ? Ah, ça non. Donc vous ne savez rien, en gros. Parce que sa sœur travaille à la télé, vous savez ça. Oui. Si elle ne fait pas de la télé, elle ne va pas revenir faire une émission avec sa sœur. Nous l'avons vu la semaine dernière dans le journal, Maureen Louise, oui, fait un peu de télé, mais elle fait surtout des nœuds papillons pour les chiens. Elle a une gamme de produits. Moi, jaune rouge d'ailleurs. Ouais, qui est d'une parfaite beauté, nous l'avions dit en son temps. Et Elodie Roupeau est très intéressée. Bien sûr. Vous avez déjà acheté, David ? Oui, c'est dans ma collection d'objets indispensables pour supporter les Diables Rouges. Tu as du goût. Besoin de changer vos pneus sans vous déplacer et perdre votre temps ? Contactez Freeride. En région liégeoise, Freeride vient à votre domicile ou sur votre lieu de travail afin de changer vos pneus. Contactez-nous sur free-ride.be. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 18 millions d'euros, mais tu te rends compte ? Elle n'avait qu'une toute petite chance de gagner, mais c'est sur elle que c'est tombé. Une nouvelle vie peut commencer. Quand on a de l'argent, soudain, on vous aime. Mathilde Seigné, dans la liste de mes envies, suivie de Bowling, lundi soir sur la Une. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. Et si vos produits étaient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur cbcpopupwebshop.be. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Ciao, c'est moi Torticolli, mais j'adore faire tourner la tête des gens. Je les rends fous. Dès que j'apparais, ils sont comme tétanisés, incapables de bouger. Mais avec l'arrivée de l'autre, là, c'est moi qui ai des problèmes jusqu'au cou. Flexium, gel, crème ou spray, agit rapidement et efficacement au cœur de la douleur. Flexium. Inflexible avec la douleur. Flexium, médicament à l'étophénamate 10%. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas utiliser en dessous de 14 ans, sur une peau abîmée, en cas d'hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lors de la grossesse. Lisez attentivement la notice. Le smartphone dernier cri. Vous en rêvez ? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 euros par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir, l'avenir est au contenu. Vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce lundi. Et une information principalement ce matin, une grave collision entre un train de passagers et un train de marchandises hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse en province de Liège. Il y a 3 morts dont le conducteur de train et 9 blessés. On ignore les raisons de l'accident. La foudre était tombée à cet endroit hier. Elle a peut-être perturbé les installations électriques, mais il est trop tôt pour faire le lien. Encore des perturbations dans le trafic des bus ce matin. Paralysie quasi complète à Charleroi. À Mons, seulement 1 bus sur 5 a tourné. La CGSP a décidé ce matin l'arrêt de la grève. Les bus rouleront donc normalement demain, mais il y a encore des problèmes ce matin. C'est un truc de fou, hein. 28 degrés, 28 degrés de maxima annoncé pour aujourd'hui. Sur le centre, le ciel se dégage, le soleil s'impose rapidement, mais avec 28 degrés, il y aura évidemment à nouveau un risque d'orage cet après-midi, notamment sur l'est du territoire. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et des infos supplémentaires à propos de cet accident dramatique cette nuit sur la dorsale wallonne à hauteur de Hermal-Souy. Une collision entre 2 trains qui a fait 3 morts, Anne Poncelet, et 10 blessés. La collision s'est produite vers 23h en bord de Meuse sur la commune de Saint-Georges. Un train de marchandises était à l'arrêt à un feu rouge. Il s'est fait percuter par un autre train, un train de voyageurs qui circulait à environ 90 km à l'heure. Sous la violence du choc, les premières voitures se sont littéralement tordues. Une cellule de crise a rapidement été mise en place dans la commune voisine à Amay, dont Jean-Michel Jarvaux est le bourgmestre. La Croix-Rouge, avec d'ailleurs le soutien de la province, d'abord les pompiers de Huy, puis les pompiers de Liège, on a mis 2 hôpitaux, 2 PMA, 2 postes médicaux avancés au milieu de la rue. C'est une route nationale qu'on a fermée immédiatement parce qu'il fallait accueillir les blessés les plus importants. Et puis quelques centaines de mètres plus loin, nous avons une grande école avec un omnisport qui a pu accueillir alors la quarantaine d'autres passagers, leurs familles, pour pouvoir leur apporter du réconfort. Et puis le dispatching évidemment des blessés les plus graves dans les hôpitaux de la région vers l'hôpital de Huy et les hôpitaux liégeois. Et sur place à 7h, on mesure à peine l'ampleur de l'accident. Un accident, Anne, dont on ignore encore l'origine. L'enquête a démarré cette nuit et personne ne s'est risqué au moindre commentaire. 2 experts sont sur place ce matin pour assister le juge d'instruction. Ce qui est sûr, c'est qu'un train a embouti un autre sur la même voie. Et ça, ce n'est pas la première fois. Ça veut dire qu'un autre accident a déjà eu lieu là-bas. En tout cas, pas très loin de l'accident actuel. C'était en 2008, un train de marchandises et un train de voyageurs se sont percutés. Et dans ce cas, il s'agissait d'une collision frontale. 64 personnes avaient été blessées. Le conducteur avait été considéré comme responsable au pénal et la SNCB au civil. L'enquête actuelle sur l'accident de cette nuit permettra de déterminer s'il y a des causes semblables ou non. Et c'est important pour les navetteurs ce matin. Le trafic ferroviaire est à l'arrêt sur une partie de la ligne entre Namur et Liège. Des services de bus sont organisés entre Huy et Flémal. Et toujours à propos de transport public, les bus du TEC roulent presque normalement aujourd'hui en province de Liège. Seule perturbation annoncée au départ des dépôts de Jemep et Robermont, où de 10 à 20% à peine des services sont perturbés. À noter que le rond-point de l'aéroport de Bierzé est actuellement bloqué par une action des gardiens de prison. En province de Liège, certains habitants ont encore de l'eau dans leur maison ce matin. Conséquence des violents orages qui se sont abattus hier et qui ont provoqué, Marc-Hildesheim, de nouvelles inondations. Oui, parmi les localités les plus touchées, il y a Comblaoupont et Amoire. Ce sont des torrents d'eau et de boue qui ont dévalé du haut des collines pour se retrouver dans l'Ourthe. En quelques dizaines de minutes à peine, la rivière est passée du niveau normal à la phase d'alerte. Plusieurs maisons ont été inondées et 2 habitants ont même dû être relogés. Les pompiers de Liège se sont essentiellement consacrés aux localités de Chenet et Grivenier, et surtout à Fexlin hier. Les pompiers de Verviers n'ont pas chômé non plus. Ils sont intervenus à 40 reprises tout de même. Là aussi pour des rues sous eau, des pompages de caves et des arbres arrachés. Les localités les plus sinistrées sont Herve, Bâtisse et Trot. trop, où le tunnel ferroviaire a lui aussi été inondé. Oui, et la circulation des trains a même dû y être interrompue hier soir et durant la nuit. Ce matin, seule une des deux voies a pu être remise en service, ce qui entraîne, on l'imagine, des perturbations dans le trafic ferroviaire entre Liège et Bruxelles. Une petite fille de 3 ans a fait une chute de 2 étages hier, rue Surlet à Liège. L'enfant serait monté sur un tabouret et aurait ensuite basculé par la fenêtre. Elle a été transportée à l'hôpital de la Citadelle et plongée dans un coma artificiel. Le décès de Guy Fontanière, il avait 88 ans, c'était une des grandes voix de l'Opéra Royal de Wallonie. Ce Français avait marqué l'histoire de l'opérette à Liège, où il avait débarqué Olivier Tunus après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1948 que le public liégeois découvre Guy Fontanière dans Véronique, un contrat qu'il avait décroché dès sa sortie du conservatoire de Bordeaux. Il chantera ensuite tout le répertoire de jeunes premiers à l'opérette, mais également le répertoire dit français de l'opéra, dont Mireille, Faust, Les Pêcheurs de Perles ou encore Carmen. Sur les planches à ses côtés, de grands noms de l'époque comme Mado Robin, Endurant ou encore José Luccioni. Durant plusieurs décennies, il chantera à Liège et à Verviers, des localités dont il qualifiera le public d'extraordinaire. Durant 25 ans, il fut premier baryton à l'Opéra Royal de Wallonie et ne cachait pas y avoir passé les plus belles années de sa carrière. On l'y retrouvera aussi dans plusieurs comédies musicales dont La Mélodie du Bonheur ou Sud Pacifique. Guy Fontanière avait aussi été très présent sur les scènes françaises et était également un homme de conviction. En témoigne cet épisode lors de la Seconde Guerre mondiale où, encore étudiant à Bordeaux, il n'avait pas hésité à gifler un de ses professeurs l'ayant obligé à réciter un texte de propagande nazie. Cela lui avait valu un renvoi immédiat qui l'avait amené à s'inscrire au conservatoire. De là était née sa carrière. Il avait pris sa retraite au début des années 90 et vivait à Arcachon, sa région natale. L'info sportive à présent, elle commence par la boxe. La liégeoise Gabriela Willems a terminé 3e de l'Open de Madrid, âgée de 19 ans à peine. Ce grand espoir de la boxe participait à son premier tournoi senior. Et puis en cyclisme, Philippe Gilbert a remporté hier la 4e et dernière étape du Tour du Luxembourg. C'était la 2e victoire d'étape de Philippe Gilbert sur ce Tour du Luxembourg. Insuffisant toutefois pour aller chercher la victoire dans le classement général, puisque ce Tour du Luxembourg a été remporté par le néerlandais Lammertink. Et à 9h, c'est vous qui le dites, 3 débats sur la table. D'abord cet accident de train qui a fait 3 morts et 9 blessés à Hermalsoui. Train, accident, SNCB, tout ça entre 2 grèves. Ça vous inspire quoi? Car il y a un contexte à la SNCB. Ensuite, cette révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire un prêt hypothécaire. Est-ce que c'est jouable? Et puis un papa qui loue un gîte à Flobecq pour se suicider avec son fils de 11 ans. Il ne supportait pas la rupture. Est-ce qu'un père peut à ce point se sentir malmené dans un moment de séparation? Zoé Boss, standard ouvert. Mais le doute n'est plus possible. Nous sommes lundi et l'équipe de C'est vous qui le dites attend vos appels au 070-233-466 et vos SMS au 3063 50 cents par message. Si vous voulez un petit rappel, si vous avez oublié les 3 sujets de cette matinée, consultez la page Facebook de notre émission. RTBF Mobile Info, on revient évidemment sur les conditions un peu difficiles de ce matin. C'est très fluide en ce qui concerne Liège, vous l'avez entendu tout à l'heure, grâce à Yadranka depuis la police. Par contre, si vous devez circuler vers le Grand-Duché par le 25, mauvaise idée, 6 km de file avant cet accident sur Manet, donc dans le sens de Liège vers Neuchâteau. Et on a commencé à relancer la circulation. Il y a une bande de circulation qui est disponible, celle de gauche pour le moment. On a parlé également de ces manifestants au niveau du rond-point à Biarzé. L'accès à l'aéroport est compliqué. Ce ne sont pas des manifestants qui sont issus du monde des routiers, mais bien des agents pénitentiaires qui manifestent là-bas pour le moment et qui ont donc mis le feu à des palettes. Donc accès à l'aéroport assez compliqué ce matin. Il est 8h37, on rejoint le 8-9 tout de suite avec Benjamin Maréchal. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condro à Boncel, à Nocé-FM, sur la route de Huy-Warem ou JC, chaussée de Tongres à Raucourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. De 8 à 9, le 8-9. Le 8-9 de ce lundi avec le Regard Sport, signé non pas Thierry Luters, car il est en train de faire ses valises pour aller à l'Euro. Vous savez, David Oudrey, il part demain en tant que les Diables Rouges? Je pense qu'il va suivre minute par minute, heure par heure, semaine après semaine, puisque nous irons jusqu'au bout, les Diables Rouges. Thierry, avec Manuel, je vous souhaite. C'est pas si loin, pourquoi il se prépare déjà maintenant? Mais parce qu'il prend beaucoup de vêtements. Ce n'est qu'à Paris. Oui, mais il va sortir le soir. Et à Paris, il faut un tuba, un masque. En ce moment. Là. Et puis Champs-Élysées, Moulin Rouge. Ouais. Vous mettez quoi? Pigalle. Ils seront à Bordeaux, hein, je vous précise juste. Ah, zut. Oui, c'est partout en France. Hein. Zut, on lui a dit à Thierry que ce ne serait pas à Moulin Rouge. Je pense que ça l'arrange d'être à Bordeaux. Et zut. Bon, il y aura quoi dans le Regard Sport tout à l'heure? On va parler de Mohamed Ali. Pourquoi il a commencé à boxer? Évidemment, tout le monde connaît la légende, le plus grand Mohamed Ali qui nous a quitté vendredi. Voilà, il nous a quitté vendredi, 74 ans. 32 ans de combat contre la Parkinson. On parlera aussi de la première victoire enfin de Djokovic à Roland-Garros. Et puis, on parlera de Laurent Simon, mais non, pas que de Laurent Simon, on parlera aussi des Diables Rouges et de ce dernier match amical hier. On va voir de qui on peut parler hier, parce qu'à part Laurent Simon, de qui on peut parler hier? Kevin De Bruyne. Mais vous êtes obnubilé. Oui, bon, alors quel est l'homme du match pour vous, Jérôme? L'homme du match pour moi... Ben voilà, c'est le steward dans la tribune. C'est difficile. C5. Hein, difficile. Voilà. 8h40, notre invité ce matin est un talent belge qui a cartonné en radio avec ce tube, All Along. C'est la belle jeunesse qui fait du tube pop électronique et il s'appelle Alex Germis, il est là ce matin, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous venez nous présenter le nouveau single dans quelques instants, mm-hmm. Il s'appelle Suite Afterglow, d'abord débriefing, parce qu'en sortant All Along, vous êtes encore étudiant. Exact. Et donc il y a quelques mois, vous n'aviez toujours pas fini vos études de gestion, je voudrais savoir où on en est. Bah écoutez, j'ai passé mon mémoire qui a été repoussé de 6 mois. Du coup, avec la sortie de All Along, donc j'ai passé en janvier pour finir au lieu du juin précédent. Ouais. Et ça s'est bien passé, j'ai enfin terminé. Et vous êtes diplômé? Oui, je suis diplômé. Nous avons un diplômé, bon. Les gars. Enfin maintenant, voilà. Vous pouvez abandonner tout ça. Voilà. C'est bon. Il a quand même dit du juin précédent, est-ce que vous vous droguez? Ah, c'est un jeune de la musique électronique. Et vous avez fait un mémoire sur quoi alors, parce que vous étiez en gestion? Mais j'ai fait un mémoire sur l'analyse du marché de la musique, donc j'ai essayé de rester dans le même domaine. Mais plus financièrement et niveau marketing qu'au niveau créatif, quoi. Ah ouais, vous êtes marrant parce que tous les gens qui font de la musique disent « Moi, je veux faire de la musique, je veux être à la limite chanteur, je veux. » Mais vous, votre rêve, ça a l'air d'être plus producteur, donc au service des autres. Voilà, exactement. Moi, j'ai envie de produire d'autres artistes, de faire découvrir d'autres artistes aussi. Et c'est pour ça que je me concentre peut-être plus sur des singles en ce moment pour pouvoir m'occuper d'autres projets parallèlement, quoi. Oh, producteur aussi, c'est là qu'il y a les pépettes, non? Un peu plus, non? Vénale. On s'appellera le colonel Germis. Elle est vénale. Sauf que non, il a déjà fait le boulot pour des jeunes, donc expliquez-moi le truc, parce que dans All Along, qui est le chanteur? C'est pas vous, c'est un mec que vous avez repéré dans The Voice Belgique. Exactement, j'avais repéré au Blind Audition de The Voice, donc avant même les diffusions en télé, en fait, j'étais dans le public et je l'avais vu et je l'ai contacté directement parce que mon morceau était en formation à ce moment-là. Donc, Et vous cherchiez un chanteur, vous cherchiez une voix que vous n'aviez pas? Ou vous aviez une voix avant de voir ce jeune homme? Non, en fait, j'avais pas de voix. Enfin, j'avais la mélodie avec une voix témoin, mais j'avais pas la voix qui correspondait encore parfaitement. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui, quoi. Eh ben, pourquoi vous chantez pas? Pourquoi vous chantez pas vous-même? Oui, parce qu'il faut une voix. Je me limite à ce Daou, à ce que je sais faire. Je veux dire, c'est... Alors, bah, c'est pas gentil. Attendez, on va se faire un blind audition. Merci, c'est gentil. Chantez-nous un truc. Je vais m'en aller. Mais non, mais sérieux, je suis sûr que sur les maquettes, vous chantez. Non, je chante pas. Non. Même pas en yaourt, quelque chose, rien? Non, je fais des la-la-la, mais ça restera secret. Vous voulez qu'on nous donne un avis? On a que des experts autour de la table. Ah bah dites-nous, qu'à nous, alors vous pensez bien. C'est pas parce qu'il y en a deux habillés en diable rouge et un qui a la chemise de l'entraîneur en soie qu'on n'est pas des professionnels. Non, ça va pas le faire. Ouais. Alors vient le moment Il faut garder les auditeurs quand même. Oh, vous inquiétez pas, il n'y a plus que... Non, vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a plus que les familles depuis bien longtemps. Alex Germis, All Along, c'était le premier. Donc pas d'album comme Fantasme, mais un deuxième single qui s'appelle Sweet Afterglow, et ça donne ceci. Ouais. voudrais quand même raconter le début du clip parce que l'histoire est belle. Il y a cette magnifique jeune fille qui est en train d'écouter de la musique avec un casque. Elle se promène dans une rue de Bruxelles apparemment. Elle écoute la musique, elle est belle, fraîche, heureuse. L'avenir lui tend les bras et à un moment, boum, le 4x4 l'écrase. Ça c'est un... Pourquoi vous tuez cette fille dans le clip ? C'était pour donner quelque chose d'un peu plus tragique que le premier clip, pour toucher un peu plus les gens. Je sais pas, la chanson s'y prêtait plus. C'était peut-être moins été, donc on voulait quelque chose d'un peu plus narratif. Et... Je trouve ça génial. On voulait un truc plus, un peu plus original, on l'a tué. On tue des gens. Écoutez, non, il y a une scène très cinématographique quand le talon vole. Mm-hmm. Vous avez vu cette scène ? Oui, j'ai vu. Lui, je pense qu'il l'a vu. Voilà. Si lui ne l'a pas vu, on... je voudrais quand même, parce qu'on a écouté que quelques notes, mais vous avez voulu le... Ellie Sophie's Bextorisé. Exact. Sophie Ellie Bextorisé. En fait, c'est pas une volonté que j'avais à la base. C'est pas une volonté que j'avais à la base, mais en faisant le morceau, je me suis dit, tiens, c'est une façon de chanter un peu plus, je veux dire, lazy, paresseuse. Mais vous l'avez écouté, ouais, le morceau ? Oui, j'ai écouté. Le sien ou Sophie de ce... Non, mais le sien. Ok. C'était quelque chose un peu moins vocal par rapport au premier morceau, plus dans le rap. Attends, puisque David, avant le sport, il a eu une carrière au bureau de la programmation de Vivacité. Donc il s'y connaît en matière de musique. Ça veut dire quoi ? Sophie et Lick Sextor bisaient à une chanson. C'est elle qui faisait Murder on the Dance Floor. Hein. C'est assez monotone, on va dire, dans la mélodie. C'est plus dans le rythme, en fait. Pardon ? Pas dans Mary Poppins. Super Califra. Mais non, Sophie Ellis Bextor, c'était celle qui faisait Murder on the Dance Floor. D'où le clip. On assassine quelqu'un. Ah bah voilà, voilà. Tout se rejoint. Au moins, on a compris. Qui est cette jeune fille qui chante dans le clip, Mia ? Alors, c'est une amie à moi qui est aussi blogueuse mode sur Internet et qui est assez, je veux dire... J'aime bien parce qu'il fait avec ses doigts les guillemets, genre, ouais, blogueuse. J'ai pas fait. Vous voyez le genre. On le voit pas, la radio. Vous étiez amis, vous ne l'êtes plus. Si, on est toujours amis. Enfin, genre, elle a pas de vie. Un jour, elle fera quelque chose de sa vie. Non, non, c'est YouTube. C'est une fille géniale et voilà, elle s'appelle Aurélia. Et donc voilà, elle fait aussi des études, elle fait deux études en même temps et en plus elle est blogueuse mode. Donc voilà, et puis je me suis dit qu'elle était naturelle et qu'elle était fraîche pour jouer dans le clip. Donc. Ah, j'adore ce truc avec les guillemets, genre artiste quoi. Tu vois, elle est artiste avec les guillemets. Et donc elle, vous l'avez pas repérée, c'était une amie que vous aviez dans vos cartons depuis longtemps. Voilà, enfin dans mes cartons. Bon alors maintenant, on est à deux singles, All Along, Shoot After Glow, votre rêve c'est d'être producteur. Ça passera par un album ou ça passe par des tournées de discothèque, ça passe par un profil DJ, ça passe par quoi après? Bah en fait, je travaille sur d'autres morceaux, mais pour l'album, je vais attendre de voir si on attend du public, parce qu'un album, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Je devrais mettre mes autres projets entre parenthèses, donc il faut vraiment que je sois sûr de mon coup. Maintenant, oui, on va faire des festivals pendant l'été, donc voilà, il y a les Francofolies, j'ai la fête de la musique à Hâte la semaine prochaine. Et comment vous allez vous placer sur scène? Parce que les grands DJ à la David Guetta, on sait bien que c'est juste une console et ils n'ont rien à faire à part play, ils font semblant de jouer un peu avec les boutons. Mais non, ça, les grands, ils mettent le tube et ils font semblant de avec les boutons, quoi. Bah, sur les grosses dates, parfois, je prendrai ma chanteuse avec. Ouais. Sinon, ça se limitera à des DJ sets, oui, bon, à la David Guetta, mais il faudra quand même enchaîner les morceaux et mettre l'ambiance, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est compliqué. Ce matin, on a reçu quoi? Alors, un DJ, un producteur, un faiseur de musique électronique. Un jeune homme, monsieur. Ah, oui, on a reçu un jeune homme, oui. Un gestionnaire. Un gestionnaire. Qui a perdu ses amis grâce à vous. Voilà. Quelqu'un qui connaît une blogueuse. Ouais. À la base, je suis producteur, mais bon, j'ai eu des demandes pour faire des sets DJ avec mon premier single, donc j'ai appris à mixer à ce moment-là, en fait. Donc, j'étais pas destiné à être DJ à la base, mais donc je m'y suis obligé, et c'est un truc que j'adore faire. Donc, maintenant, je suis aussi DJ, mais à la base, je me considère plus comme un producteur, quoi. Donc, j'aime bien être en studio, faire des chansons, composer, créer. Et repérer des talents. C'est quoi? Vous allez voir des concerts, vous écoutez beaucoup de musique? Je suis beaucoup sur Internet aussi, évidemment, donc les covers, etc. Je vais beaucoup à The Voice, je regarde les The Voice de tous les pays, j'aime bien regarder les blinds, voir même ceux qui n'ont pas été pris, qui avaient un potentiel, parfois, voilà. Maintenant, oui, ça peut se faire aussi de bouche à oreille. Quelqu'un qui me dit, tiens, je connais quelqu'un qui... Eh bien, je vous recommande le clip de Kiki l'Innocent. Dans le clip, et la chanson s'appelle « On va gagner ». Un talent. Il y a un jeune humoriste du pays qui joue la joie. Oui, Thierry Luther, oui. Non, l'autre humoriste, je vous recommande. David Jean-Mott, oui. Non, le troisième. Alex Germy, c'est à notre invité ce matin. Merci d'être passé. Merci de m'avoir invité. Salut. Au revoir. Ça s'appelle « All Along », premier single, « Sweet After Glow », le deuxième. Dans un instant. Eh ben, qui qu'a dit ? Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Il y a des nuits où je rêve de prendre un break. Sable blanc, mer transparente, les enfants qui jouent avec des cerfs-volants grands comme des deltaplanes. Et en plus, j'y vais en Mercedes. Ah, et puis au réveil, on me dit qu'Unir Ligno Car offre des conditions exceptionnelles sur les Mercedes Break de seconde main. Alors, I take a break. Unir Ligno Car. Bye Mercedes-Benz. Fnac. Vous cherchez le cadeau idéal pour un papa moderne fou de technologie ? Ne cherchez plus. La gamme des PC Windows 10 est faite pour lui. À la Fnac, profitez maintenant d'une réduction de 10%. Fnac, offre soumise à condition. Chez Nearly New Car, il y a déjà une Mercedes classée Break à partir de 17 500 euros. Dès que Break, surfez sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Comment fonctionne la justice belge? Qui s'occupe de quoi et à quel prix? La magistrature attire-t-elle encore les jeunes? Quelles sont les conditions de détention en prison? Témoignages, reportages, portraits et bien plus encore. Retrouvez toutes les réponses à ces questions du 4 au 9 juin, exclusivement dans La Libre. La Libre, faisons vivre l'info. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Le 8-9 à la Louvière, salut Yvan. Oui, salut. Bah, salut. Bonjour. Je vous présente deux Diables Rouges ennemis, donc on a Sarah, Sarah Yvan. Et Issa. Ah, oui. Ouais, salut. Ouais, ça va. Bonjour. Yvan David, David Yvan. Oui, bonjour. Salut Yvan. Ouais, salut. Didier Deschamps. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Didier Deschamps, Yvan. Didier Deschamps. Oui, salut. Salut, ouais, salut à tout le monde. Ouais. Yvan, sa maison, bientôt. Et vous avez regardé le match hier, Yvan? Bah oui, bien sûr. Et? Et bon, moi je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils passeront le premier tour. Oh, hein. Ça c'est réglé. Voilà. Ça c'est réglé. Et vous vous êtes dit ça à la 35e minute ou dès la 15e? Non, déjà dès le premier match contre la Suisse. Ah, l'affaire était pliée. Bon, Yvan, avant les pronostics, oui. Tentons un Kikadi ce matin. Il y a un cadeau à la clé. Quel cadeau? Et puis un mot que vous imposerez pour le live de vendredi. La phrase. Oui. Ce serait embêtant si la femme avec qui je vis me disait « J'en ai marre de voir ta mère ». Ce serait embêtant si la femme avec qui je vis me disait « J'en ai marre de voir ta mère ». Qui a dit ça? Michou, un artiste contemporain des cabarets parisiens. Catherine Deneuve, celle qui couche avec un singe dans le film de Jacob van Dormael. Ou Benoît Poulvorde, qui est à l'affiche en ce moment du nouveau film d'Yvan Attal. À votre avis, Sarah? Je vois bien Poulvorde dit ça. En plus, il est en promo, non, avec le film avec Yvan Attal. Ouais. Yvan Attal. C'est ce que je viens de dire. Merci de répéter toutes les phrases. Ça, très bien. David, pensez Poulvorde aussi, parce que la maman de Benoît Poulvorde, très connue à Namur, on en a beaucoup, beaucoup parlé il y a longtemps. Je dis la maman de Michou. Notez que par déduction, la femme de Catherine Deneuve ou la femme de Michou, on sait très bien qu'il y a un moment où il faut arrêter de déconner. Donc, Bon, alors, Yvan, il y a un choix qui doit se faire maintenant. Bah, je vais dire Benoît Poulvorde, quoi. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, et c'est ce qu'il disait dans le supplément Max de Sud-Presse ce week-end en présentant le nouveau film d'Yvan Attal. Le cadeau pour vous, Yvan. Asseyez-vous. Oui. C'est le thermo-vivacité. Je sais assez. Ah ben, c'est le thermo-viva, le thermo-vivacité, Yvan. Très utile. Ah bon? Non, c'est le thermo, Yvan. Avec le capuchon. Le thermo avec un capuchon? Non, pas le capuchon. Moi, j'ai une boîte du thé. Ah ben, vous pourrez... Ah, attendez. Avec le thermoviva, vous pourrez transporter partout du café, du thé, de la grenadine chaude... Mais pas en même temps. Mais pas en même temps, des heures de plaisir garanties. Heureux homme. Quel est le mot que vous nous imposez, du coup, Yvan? Ben, je l'avais dit tantôt, ostracisme. Ah. Et pourquoi? Parce que je n'aime. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je n'aime pas ce garçon. Voilà. Et Yvan dit parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ostracisme. Eh bien, l'équipe ira dans le dictionnaire. Bon vent, Yvan, à bientôt. Ouais, allez, merci. Bonjour à tout le monde. Allez. Comme on a dit. Ouais, hein, salut. Voilà, bise. Bon, dans un instant, on va voir si David est d'accord avec le pronostic d'Yvan. Les Diables Rouges iront peut-être même pas jusqu'au troisième match. Fan de foot et diablement gourmand, rendez-vous chez Point Chaud et devenez un vrai supporter. À l'achat d'un produit participant, recevez un billet à gratter et remportez les maillots officiels de l'équipe belge et vos accessoires pour soutenir nos diables. Ah, vous n'aimez pas le foot? Oh, personne n'est parfait, mais vous avez le droit d'être gourmand. Point Chaud, tant qu'il y aura du... Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vada, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas fait. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Catherine Duboudoir de Jeanne à Liège est en train de tester gratuitement pour l'instant? Oui, le Boudoir de Jeanne est une parfumerie différente située en Outremeuse à Liège. Parfums, maquillage, produits de soins pour femmes et pour hommes, elle connaît déjà un grand succès. Mais si vous n'avez pas la chance de venir nous voir dans notre belle cité ardente, vous trouverez désormais aussi le Boudoir de Jeanne sur Internet. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente, du 10 juin au 10 juillet, La Louvière fait la fête à l'euro. Un mois de foot en direct, de concerts, de cinéma, d'apéro, rendez-vous sur la place communale pour vivre cet événement entièrement gratuit. Tout le programme sur www.lalouvière.be en partenariat avec Hyundai et Circus. Le 8-9. Vas-y, question d'intérêt général. Grosses inondations à Paris, le Louvre évacué, comment rebaptiseriez-vous le musée du Louvre? Pierre Van Meyrag nous propose à Paris, avec l'eau, on déplace les tableaux. Parce qu'on est c'est dans comique, le... ouais. Jean-Michel Biltrès, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Ah oui, pas mal. Nouvelle polémique concernant le stade national, le contribuable paierait de sa poche, comment rebaptiseriez-vous le stade, hein, pas le contribuable? Bien sûr, vous répondez à ça sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition 24/24 et sur vivacité.be, la revue de presse, toute l'équipe qui commente la presse de ce matin, notamment cette visite d'un camping naturiste avec le grand-père d'un des Diables Rouges qui est tout nu dans la presse. C'est sur vivacité.be, vous apprécierez. Sens du teasing. Mais lequel? Ah ben vous irez voir. 8h55, c'est le regard sport avec David Oudret. Avant de revenir au chapitre foot, vous vouliez nous poser une question sur Mohamed Ali qui est donc mort. Est-ce que vous savez comment il a commencé à boxer? Est-ce que vous tout connaissez petit, c'est il a enfilé des gants et puis... Non, voilà, à l'âge de 12 ans, il va au théâtre, Kentucky, Louisville, il va au théâtre avec un ami, il se fait piquer son vélo, le vélo rouge et blanc, il est furieux, il se plaint à des policiers qui commencent à discuter, il dit si je l'attrape ce voleur, ben je vais le frapper, le castagner. Et en fait ce policier, il s'appelle, j'ai noté son nom, John Martin, ce sera le premier entraîneur de Mohamed Ali jusqu'à son titre olympique de 1960. Le policier lui a dit écoute, si tu veux vraiment boxer quelqu'un, je vais te montrer comment le faire convenablement. Et c'est ainsi qu'il est devenu le plus grand quelques années plus tard, entre autres ça a commencé en 60 avec ce titre olympique. C'est marrant parce qu'il est légendaire Mohamed Ali alors que la boxe chez nous, ça cartonne pas tant que ça. Vous aimez la boxe, ça, hein? Pas trop. J'aime bien les films Rocky. Qui sont des documentaires. Voilà. Et vous regardez pas le catch si la boxe vous plaît pas, le catch? Non, j'aime pas trop non plus. C'est surfait, je trouve. Ah, c'est un avis. Hein. Regardez pas le catch, David? Vous n'aimez pas le corps à corps. Il monte sur la corde, tu vois, il monte sur la corde et puis il se jette sur de l'ange. Pour sauter. Mais le dernier Rocky Balboa, c'est à conseiller quand même. Creed, sur le fils du champion avec qui il combat sur les premiers Rocky, c'est à conseiller ce film. Vous voyez, il y a un petit club ici de gens qui sont... Apollo Creed, le champion, voilà. Et son fils. Bon, la joyeuse amicale des Rocky, on peut passer au tennis. Enfin Djoko, il a gagné Roland-Garros, 3 finales perdues. J'ai quelques chiffres pour vous. Maintenant, il est le tenant du titre de 4 titres majeurs. Attention, c'est sur 2 saisons, évidemment. Il n'a pas fait le grand chelem parfait. Il restera Wimbledon et l'US Open. Depuis 92, le dernier à avoir réalisé ça, c'était Jim Courier. Vous vous souvenez de Jim Courier, l'homme à la casquette? Le gentil. Ouais, j'avoue que c'est une autre époque, ça. Il avait fait l'Australian Open et Roland-Garros. Il faut noter que maintenant, il est le 8e joueur de l'histoire à gagner les 4 tournois du grand chelem, Djokovic. C'est pas mal. C'est son 12e titre. Il est le 4e joueur le plus titré, Sampras en a 14, Nadal aussi 14 et Federer 17. Il est capable d'aller le chercher, hein, Djoko. Ah, c'est pas mal. J'ai une pensée pour David Goffin, on aurait aimé qu'il aille plus loin. C'est la petite déception. Il va quand même gagner une place. Il devient 12e ou 11e. 11e, mon avis. Ouais, il gagne une place. Et puis alors, les Diables Rouges, il faut évidemment reparler de ce match d'hier, même si nous avons gagné le match. Avec ce qu'on a vu hier, David, on est en droit de se poser des questions pour le premier match contre l'Italie. Alors moi, je suis l'inquiet de la bande. Je suis l'inquiet de la bande complètement foot. Je suis toujours inquiet. Après 3 minutes, Romelu Lukaku met ce but. Il y a quand même 2 erreurs du gardien et du défenseur norvégien. Une nouvelle fois, un but inscrit sur une erreur défensive. Mais c'est surtout les buts que l'on encaisse. On encaisse beaucoup trop de buts. Mmh. En interview après le match, notre nouvelle défense centrale, les deux, Alderweireld et Vertonghen, le disent eux-mêmes. Si on joue comme ça, si on encaisse autant de buts à l'Euro, ça ne va pas le faire. On parle de groupe de la mort. J'aime pas ce terme, mais bon, il faut rappeler quand même Italie, Suède en premier et troisième match. Il y aura la République d'Irlande, peut-être pas si simple que ça en deuxième rencontre. Moi, je suis quand même inquiet. Il y a des points positifs. Eden Hazard en deuxième mi-temps, là, les spécialistes l'ont souligné, il a pris la taille patron. On a eu l'impression qu'il disait au reste de l'équipe, bon, maintenant, ça suffit. Je vais vous montrer comment il faut faire pour performer et gagner cet Euro. Il y a Rajan Nainggolan qui doit encore progresser de retour en forme. Et puis, il y a le joker, peut-être qu'on n'a pas vu en match de préparation, ouais. Yannick Carrasco. On passe le premier tour ou pas? Enfin, on passe les 3 premiers matchs ou on rentre à la maison? C'est impossible de ne pas passer le premier tour dans cette nouvelle formule de l'Euro. Excusez-moi, par contre, même le plus sympathique passe. Non, à la Louvière, Yvan a dit le contraire. Elle a dit qu'on rentrerait vite à la maison. Moi, je ne sais plus qui croire. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien. Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7 du lundi au vendredi dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Aidez-moi alors Denis, parce que sur la météo je ne crois que vous, mais sur le foot je dois croire David de Viva ou Yvan de la Louvière. Ah. Allez, moi je fais confiance à David de Viva. Alors il dit qu'on passe le premier tour aussi. Denis, voilà. Je vous fais confiance pour le temps de ce lundi. Oui, et bien là c'est parti pour une journée estivale avec des températures qui vont grimper. On a encore de la brume par endroit, soyez patients, si c'est le cas, et bien ça va se dissiper assez vite. Et on va retrouver ensuite du soleil qui est déjà lui présent dans pas mal de régions. Et la chaleur va se faire sentir aujourd'hui. On attend déjà 26 degrés sur le centre du pays, 28 du côté de la Campine, 22 à 23 du côté de l'Ardenne. Mais malheureusement, il y a un mais, il y aura ces orages qui vont commencer à revenir par l'Allemagne à nouveau et qui sont susceptibles de provoquer d'importantes chutes de pluie ou de grêle. Ce sera pour la fin de l'après-midi ou la soirée. Demain, même type de temps, un coup de chaleur, encore 1 degré de plus, mais à nouveau une menace orageuse demain soir. Vous écoutez Viva, il est 9h. Sébastien Pierret pour l'info, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et l'heure est donc à l'analyse des épaves des 2 trains qui se sont percutés à Saint-Georges-sur-Meuse. À la lumière du jour, les experts et les équipes d'Infrabel découvrent l'ampleur des dégâts et mesurent la violence du choc après ce qui s'est passé hier soir. Peu après 23h, un train de voyageurs qui avait quitté Moucron et qui arrivait à Liège a rattrapé un train qui le précédait sur la voie et a percuté le dernier wagon de ce train de marchandises à une vitesse assez importante, on pense environ 90 à 100 km par heure. Et les 2 premières voitures ont déraillé et se sont couchées. Le bilan, il est très lourd, puisque ce soir, on déplore 3 personnes décédées, 9 blessés. Il y avait au total environ 40 personnes dans le train. Et ces personnes ont été prises en charge très rapidement. Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel, une prise en charge rapide des victimes. Les communes voisines de Saint-Georges-sur-Meuse et Amay ont mis en place un poste médical avancé. Les passagers qui n'étaient pas blessés ont pu être accueillis dans une abbaye située à quelques mètres seulement de l'accident. Jean-Michel Javot, le bourgmestre d'Amay. C'est vrai qu'on ne devait pas aller trop loin parce qu'il y avait pas mal de jeunes, c'était beaucoup d'étudiants qui retournaient vers leur côte qui, un dimanche soir, le train, malgré l'heure, était quand même assez rempli. Et donc voilà, on ne devait pas faire un centre d'hébergement trop loin. Et heureusement, c'est vrai qu'il y a une communauté de sœurs qui vit là-bas à l'abbaye, qui a pu ouvrir et accueillir avec du café, avec un peu de boisson et faire déjà les premiers appuis psychologiques en sachant évidemment que pas mal de personnes ne réalisaient toujours pas ce qu'ils avaient vécu parce que quand on voit les images, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Oui, des images impressionnantes de ces 2 wagons éventrés. Laurent Vandenberg, vous êtes sur place. Laurent, est-ce que vous avez déjà pu vous approcher des lieux de l'accident ou bien pas encore? Pas vraiment, puisque nous sommes encore tenus à l'écart, environ 300 mètres de cet accident. Alors, nous avons pu filmer de loin quelques images de ces wagons détruits ou couchés. Alors, pourquoi sommes-nous tenus à l'écart? Tout simplement parce que le parquet continue les investigations, essaye de comprendre comment les causes de cet accident. Un hélicoptère est attendu, en tout cas, dans peut-être de la journée, si la brume se dissipe, pour